Cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah, amma ba'd. Fantahina fi darsina al-akhir, on a fini dans notre cours d'hier, le chapitre sur sifatu al-kalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sept attributs, la parole. قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله فالله سبحانه وتعالى يتكلم ومن كلامه القرآن الكريم donc c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح il a cité une فائدة فقال والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. Et de comprendre هذه الفائدة, c'est important. لأن البعض يستدلون بهذه الآيات que Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله il a cité pour essayer de montrer أن القرآن c'est pas la parole d'Allah عز وجل. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de savoir أن ces versets en aucun cas c'est une preuve que القرآن c'est la parole de Jibril ou c'est la parole du prophète Mohammed alayhi salat wa salam comme يقول المنحرفون فقال رحمه الله والقران اضيف الى الله والى جبريل والى محمد صلى الله عليه وسلم. Tu trouveras des versets du Coran Karim ان هذا القران اضيف الى الله مثلا قوله قال المثال الاول قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا واضح كما تقدم معنا أمس ونبي أنصمل أن كلام الله عز وجل هنا سيء القرآن. قال شيخ ابن عثيمين فيكون منه بدأ أي من الله عز وجل. دونك المتكلم سيء الله سبحانه وتعالى. أي سيء القرآن سيء بعض الله سبحانه. هذا سيء كلير سيء ندخل الدرس دياه. قال ومثال ثاني إضافته إلى جبريل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فقوله إنه لقول رسول كريم أي سجبريل عليه الصلاة والسلام. لتخوزم مثال قال إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر. هنا سإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Donc dans le verset précédent, قال عز وجل إنه لقول رسول كريم. أي c'est la parole d'un رسول كريم أي جبريل. Et dans le verset qu'on vient de réciter, إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر. أي c'est la parole du prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قال شيخ ابن عثيمين لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدأ. أولا الله سبحانه وتعالى أضافه إلى جبريل وإلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم سأكلوا ترانسمي أي جبريل إلا ترانسمي وبروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إلى بروفيت sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmis à toute la communauté. فَلِهَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ أَضَافَهُ إِلَيْهِمَا. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, إِذَا تَأَمَّلْتَ, vu que une fois, أُضِيفَ إِلَىٰ جِبْرِيل, et une autre fois, أُضِيفَ إِلَىٰ مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ, notre prophète, ça montre que ce n'est pas leur parole. لماذا لأن ça serait leur parole إما ça serait la parole du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام إما ça serait la parole de Jibril. Enfin ça nous montre vu que le kalam أضيف إليهما vu que Allah سبحانه وتعالى مرة قال لقولي إنه لقول رسول كريم إنه أو plutôt نعم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم أي dans les deux une fois c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام et l'autre fois c'est Jibril. Ça nous montre أن الإضافة c'est parce qu'ils l'ont transmis. Wa illa fal kalam, tu ne peux pas dire que c'est la parole du prophète Mohammed alayhi salam et la parole de Jibril. Là, c'est un des deux, si ça serait un des deux. Ça nous montre anna al kalam, c'est kalamullah. Khassatan, si on prend compte bien sûr les autres versets. Qawluhu fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, selon l'unanimité des salafs. Et celui qui dit le contraire, c'est un égaré. Et les deux versets qu'on vient de citer, min surat al-Takwir wa min surat al-Haqqa, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fahada tanbihun muhim. Prochainement, inshallah ta'ala, quand on arrivera au chapitre que Cheikh Al-Islam a cité sur le Coran, et il a développé akthar, on citera les shubuhat de Ha'oula qui ont prétendu que le Coran il est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. Dans ces derniers versets qu'il a cités, rahmatullah alayh, بين أو il les a cités لماذا؟ Pour montrer أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. Parmi la croyance des gens de la sunna, أن المؤمنين, les croyants, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. يوم القيامة et fil jannah. Nas'alullah azza wa jal an yaj'alana minhum. Enfin, le premier verset, قال الشيخ الفوزان, قوله تعالى وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن أي ناعمة. Donc ce verset وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه أي les visages des croyants ce jour-là est le jour du jugement ناظرة أي ils seront resplendissants. قال إلى ربها أي خالقها ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها. Et c'est ça le shahid. Ne pas croire que le shahid de ce verset, c'est la première partie. وجوه يومئذ ناظرة. بعضهم يظنون وجوههم وجوه يومئذ ناظرة. أي ils pensent que c'est ça le shahid. أن هؤلاء ils verront Allah. لا لا لا. الشاهد c'est dans la deuxième partie. إلى ربها ناظرة. أما le premier ناظرة بالضاد كما قال شيخ الفوزان حفظه الله c'est الحسن والجمال. أي c'est la beauté. قال أي تنظر إليه بأبصارها. Et c'est ça عقيدة أهل السنة والجماعة. أن المؤمنين يذرون الله سبحانه وتعالى avec leurs yeux. لا كما يقول الظالمون المنحرفون. Anna, c'est une rouille avec le cœur. Là, c'est avec leurs yeux, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. كما تورد به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه الصحابة والتابعون والسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité quelques versets. Et هكذا beaucoup de أحاديث في هذا. Et ستأتي إن شاء الله تعالى معنا. قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أي vous verrez الله سبحانه وتعالى comme vous voyez la lune ليلة البدر أي les nuits de pleine lune et quand il n'y a pas de nuages si tu lèves le regard au ciel tu vois la lune clairement وهكذا en plein jour tu vois le soleil وهكذا المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. Et هذا إن شاء الله on le détaillera plus tard. قال حفظه الله فالشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله على الأرائك جمع أريكة وهي السرور السرور نعم السرور أي جمع سرير يترجم par des divans par des lits أي المؤمنون ils seront في حالة طيبة على الأرائك ينظرون. قال ينظرون إلى الله عز وجل. Vous avez remarqué que dans ce verset, si on le relit, على الأرائك ينظرون, c'est pas cité أنهم يذرون الله عز وجل. لكن شيخ الفوزان حفظه الله تعالى il a expliqué النظر هنا أي إلى الله سبحانه وتعالى. Cheikh Ibn Uthaymin, dans son charh, qala, il a précisé, lam yadhkur al-manzur ilayh, fayakun amman li kulli ma yatana'amuna bin nazar ilayh. Wujuhu yawma'idhin nazira, ou plutôt le deuxième verset, ala al-ara'iki yanzurun, c'est pas précisé qu'est-ce qu'ils verront. Lakin tu comprends, mais l'aïa, n'ahum, ils verront des choses, lam yadhkur al-manzur ilayh, fayakun amman, aïe, ça englobe tout ce qu'ils verront. Comme khayr. Tout ce qu'ils verront comme khayr. Ay, ma yatana'amuna bin nazar ilay. Ay, ils prendront du plaisir à voir certaines choses. Et parmi ce qu'ils verront, Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, on en a d'autres preuves. Donc, ça englobe la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et autre. Allez, hada qala Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa a'zamuhu wa an'amuhu an-nazar ila Allah ta'ala li qawlihi ta'ala. تعرف في وجوههم نظرة النعيم نعم فسياق الآية يشبه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم تعرف في وجوههم نظرة النعيم ça ressemble à وجوه يومئذ ناظرة vous avez remarqué que dans le verset min surat al-mutaffifin كذلك c'est cité انهم ils auront des visages resplendissants et juste avant c'est cité النظرة comme dans les versets de surat al-qiyam فلا شك أن المؤمنين ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a des versets clairs, même si on ne cite pas ce verset, on a des autres versets clairs. Ka qawlihi azza wa jal, ila rabbiha nadira. Et ils verront Rabb subhanahu. Qala, rahimahullah, wa amma al-kuffar, faqad taqaddama fil ayat, allati qabla hadhihi al-aya, annahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. والشاهد من الآية إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل أما لمسألة إسك الكفار يرون الله سبحانه وتعالى أم لا ذكرناها بشيء من التفصيل dans l'explication de اللامية والحاصل أن الرؤية في الجنة لغزغفي وكخوايان il y a aucun doute لماذا لأن الكفار ne rentreront pas au paradis donc au paradis الرؤيا لغزغفي كوكرويان أما يوم القيامة أي quand tout le monde sera rassemblé les croyants les kuffars et autres فالعلماء اختلفوا بعض العلماء قالوا أن cette vision sera réservée qu'aux musulmans et الدليل c'est ce verset عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار ils seront voilés ils ne verront pas وبعض العلماء قالوا أن المنافقون ils verront الله سبحانه وتعالى كذلك وبعض العلماء قالوا أن سانغلوب كل الموند مم الكفار أي يوم القيامة et on a détaillé هذا et inshallah تعالى si on a le temps on recitera باختصار كلام ابن القيم رحمة الله عليه فcet un كلام جميل في هذه المسألة et ne pas comprendre هنا أن العلماء qui ont dit que المنافقون أو الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن c'est une رؤية تنعيم لا Ibn al-Qayyim rahimahullah il a démontré que c'est une ru'ya ta'dhib. Pas comme le croyant quand il verra Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une récompense. Amma al-kafir ou al-munafiq, les savants qui disent qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, ça c'est min bab al-ta'dhib. Et c'est très très dur. Ça sera très très dur pour eux. Iyadan billah, nahum, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala, thumma il y aura un hijab entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ils le verront plus jamais et ils se feront châtier. Hadala shaka annahu c'est encore plus difficile. فلهذا قوله عن ربهم يومئذ لمحجوبون ça veut pas dire qu'ils l'ont pas vu avant là انهم يسرون محجوبون اي يرى un voile انت tu peux mettre مثلا un voile entre toi et une chose et cette chose tu l'as vu auparavant donc الخلاف في هذا il est قوي et كلام ابن القيم رحمة الله عليه il est قوي كذلك لأن il y a des autres hadith à prendre en compte inshallah si on peut à la fin du dors ou Le prochain cours, on résumera هذا الخلاف. قال وقو إن شاء الله وقوله تعالى للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي الحسنى الذين أحسنوا et comme قال شيخ الفوزان c'est ceux qui ont fait les obligations ils se sont écartés des interdits ceux qui ont fait des efforts الذين كانوا يعبدون الله عز وجل على بصيرة هي على علم كي سويف النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Fahaoula, ils auront une énorme récompense, c'est Al-Husna. Qala ay al-mathuba al-husna. Wa qil al-jannah. La récompense. Et là, chacun a la plus grande récompense, c'est le paradis. C'est al-jannah. Qala wa ziyada. Et il y a encore une récompense plus grande. Enfin, la plus grande récompense, c'est le jannah. Et il y a encore une récompense plus grande. Falihada qala azza wa jal wa ziyada. Et quelque chose en plus. قال شيخ الفوزان هي النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. نعم الحديث دونك اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكسبليكي هذه اللفظة أي قوله عز وجل وزيادة بالنظر إلى وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم إلى مونتخان لو بلوس كي سيتي دون سي فيرسي الزيادة سي لا فيزيون d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وكما فسرها بذلك سلف هذه الأمة وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ستأعلم الناس بالله عز وجل. C'est lui qui connaissait le mieux le Coran, qui a compris le mieux le Coran. Donc son explication, chaque croyant il doit la prendre en compte. قال وقوله تعالى إن لهم ما يشاءون فيها أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير لهم ما يشاءون فيها. Chaque croyant il aura ce qu'il veut في الجنة. Tout ce que tu désires أخي الكريم من طعام أو أشربة أو ألبسة, que ce soit vêtements, nourriture, boisson, tous les désirs, tout ce que tu voudras, tu l'auras avec idnillah azza wa jal. Lahum ma yasha'una fiha, qala azza wa jal, wa ladayna mazid. Vous avez remarqué que ça ressemble au verset précédent. Les ladina ahsanu al-husna, ça ressemble à qawluhu lahum ma yasha'una fiha, et dans l'autre verset wa ziyada, et dans ce verset wa ladayna mazid. Qala ay ziyadatun ala dhalik wa huwa an-nadhar ila wajhi Allah al-karim. وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. أي بعض العلماء ils ont expliqué قوله ولدينا مزيد بالرؤية أي le fait de voir Allah سبحانه وتعالى au paradis en se basant sur le verset précédent. أي ils ont montré que c'était la même explication. والله أعلم. قال ما يستفاد من الآيات الكريمة يستفاد منها إثبات رؤيتي المؤمنين لربهم يوم القيامة. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ces versets? On comprend clairement أن المؤمنين les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة أي le jour du jugement أي avant de rentrer au paradis et كذلك quand ils rentreront au paradis. قال وأنها أعظم النعم الذي ينالونه et c'est la plus grande récompense. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. C'est ça le dalil. Aïe, ils auront une énorme récompense, Al-Jannah, ils auront encore quelque chose de plus grand. Aïe, le fait de voir Allah subhanahu. قال خلافا أو قبل ذلك وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلافا للرافضة والجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. Donc le قول de l'unanimité des savants de la sunna أن الرؤية هذه ثابتة بالكتاب بالسنة والإجماع. On a trois catégories de preuves. Le Coran, on vient de lire les versets. La sunna, et on étudiera un chapitre sur les hadiths de الرؤية inshallah dans ce livre. Et إجماع السلف, l'unanimité des compagnons et ceux qui les ont suivis. قال ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها. Et هؤلاء الضلال من المعطلة والرافضة et autres. Beaucoup d'égarés, ils ont rejeté هذا. Ils ont des شبه, des ambiguïtés, عيدًا بالله. Parmi ces ambiguïtés, قولهم, et c'est le premier point, إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة ولو كان في جهة لكان جسما والله منزه عن ذلك. إساء تقدم معنا كثيرا أن أصل انحراف هؤلاء عن الجادة القياس. انظروا comment, عياذا بالله, ils se sont égarés en se posant les mauvaises questions, en faisant des déductions, des comparaisons. ثم, ils n'ont pas trouvé de réponse. ثم, عياذا بالله, ils ont rejeté la vérité. قولهم إن إثبات الرؤيا يلزم منه إثبات أن الله في جهة. من قال لهم هذا؟ D'où ça vient? Et si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le voir, c'est qu'Allah il est dans une direction. ثم, le mot jihah. Qu'est-ce que tu veux par ce mot? Lana, c'est un mot vaste et on lira qu'Alam Shah ibn Uthaymin, rahmatullah alayh. Si c'est pour rejeter al-ulu, fala shakan Allah il est fait al-ulu. Amma si c'est al-jihah pour comprendre qu'Allah il est dans la créature ou autre, fahada, on l'accepte pas. قال ولو كان في جهة لكان جسما. Donc ma deuxième déduction, implication à cause de leur raison égarée, ils ont dit s'il est dans une direction, c'est que c'est un jism. Et c'est un corps. هذا تقدم معنا. Si le mot jism, ça veut dire que Allah il a des sifat, نعم. On dit نحن Allah il a des sifat. Et on n'emploie pas ce mot, al-jism. Il n'est pas cité dans le Coran. Il n'est pas cité dans le Coran. Ithbatana ou nafyan. On n'a pas besoin de le citer. On dit Allah il a des sifat. أما si c'est الجسم كما قال الشيخ ابن عثيمين قبل رحمة الله عليه on avait lu ce kalam, si c'est الجسم comme l'être humain, un corps d'être humain avec des membres comme les êtres humains, فهذا أهل السنة لا يقولون بذلك. Donc بقي ماذا, qu'est-ce qui reste? Il reste qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra, et Allah subhanahu wa ta'ala il est dans l'ulu, il est au-dessus, et les mu'minoun ils le verront. Comment? Allahu a'lam. L'essentiel c'est de faire des efforts pour faire partie de ha'oula qu'ils le verront. أما rejeter et déformer et عيادا بالله délaisser la voie des salaf, face de l'égarement. قال والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه احتمال فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل. أي si leur explication de الجهة, الجهة c'est la direction, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il est fi le makhlouqat, il est à l'intérieur de sa créature, hada la shak, on le rejette. Pourquoi? Parce qu'Allah il est au-dessus des créatures et on a étudié wallahi alhamd ce point. Qal wa hada la yalzam min ithbat ar-ru'ya. Et en aucun cas quand on dit que on verra Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que Allah il est à l'intérieur de sa créature. La abadan bal jam'an bayna al-adilla, on verra Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus et Allah subhanahu wa ta'ala il se mélange pas à sa créature abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il est a'zam, il est akbar, il est au-dessus. Qala wa in urida bil jiha annahu subhana fawq makhluqatihi fa hadha thabit lillah subhana wa nafyuhu batil wa huwa la yatanafa ma'a ru'yatihi subhana. Amma si al murad bil jiha c'est que Allah il est au-dessus, فهذا صحق. Et on n'a pas besoin de ce mot al-jiha. Là, on dit Allah, il est fil ulu. On dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il est fil sama, comme si c'était dans les textes. On dit Allah, subhanahu wa ta'ala, stawa ala arshih, comme si c'était dans les textes. Vous avez remarqué que Ahlul Dalal ou Al-Inhirar, ils citent des mots ambigus. Et des mots qui peuvent renfermer une vérité, qui peuvent renfermer autre que la vérité. Falihada, dans notre deal, on n'a pas le droit d'utiliser ces mots, khasatan, yahada al-bab al-azim. Surtout dans ce sujet. Et ça, c'est une faïda azima pour nous. Fais attention, akhil karim, dans ce sujet, de ne pas employer des mots ambigus qui peuvent être une source d'égarement. Et wahid, il comprend mal. Il comprend min al-jihan, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la créature. Ou il comprend min al-jism, Allah, il a un corps comme l'être humain. Surtout ceux qui n'ont pas étudié ces masa'il. Al-hadar, donc on emploie les mots qui sont cités dans les textes. Wa min hadha al-bab, on fait attention aux traductions. Certains mots, c'est très très compliqué de les traduire. Et les traduire, ça peut induire certains à l'erreur. C'est pour ça que هذا الباب السلامة, c'est de l'étudier en arabe. Même si tu ne comprends pas l'arabe, fait, tu écoutes des cours où le mudarris, il lit le kalam en arabe et il simplifie. Comme on essaye de faire ensemble, walillahi alhamd wal minna. On n'a pas besoin de tout traduire. Vous avez remarqué qu'on ne traduit pas tout et on comprend walillahi alhamd. Celui qui ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas fait les premiers cours. Et là, celui qui a fait les cours depuis le début, depuis l'iqtisad, Sans compter Lamia. Lamia, c'est un livre qu'on avait fait à part. Lakin, on avait recommencé. Mina l'Iqtisad, thumma al-Qa'id al-Mutla, thumma l'explication des noms d'Allah, thumma al-Wasitiyya, thumma insha'Allah al-Taqrib wa al-Tahawiyya. Quand on arrivera à la fin, celui qui a fait depuis le début, bi idhnillahi azza wa jal, il aura compris. Même s'il n'a pas compris certaines masa'il, ça arrive. Il demande et insha'Allah, il comprendra. Amma al-Mushkila, c'est de ne pas suivre depuis le départ. Donc, ce n'est pas une solution d'étudier Al-Aqidah qu'en français. Il y en a certains mots, et ils les ont traduits, comme taqaddam, c'est encore plus compliqué que l'arabe. Et vu que la langue française, ce n'est pas comme la langue arabe, dans Al-Ma'ani, dans Ta'thir, dans le Quwwa, certains mots, ils sont traduits, et le sens, il est faux. Ou il prête à confusion, ou c'est ambigu. Mais la langue arabe, elle est claire. Elle est claire, l'imam, elle est Anna, tu peux revenir au savant de la sunna qui explique ce mot de la langue arabe et il te montre la croyance des salafs par rapport à ce mot. Mais la langue française, certains mots, si tu viens à revenir à l'origine du mot, ça implique un batil. Comme le mot Dieu, mathalan. Si tu viens à l'origine, pardon, ils disent c'est des divinités grecques, pardon, ils disent c'est kada. L'origine, déjà, ça va prêter à confusion. Fallait Anna, tu n'as pas besoin de ce mot. Tu n'as pas besoin de ce nom qui fait pas partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, tu dis Allah. Et on n'a pas besoin de traduire. Tout le monde sait c'est qui Allah Azzawajal. Même le kuffar, ils savent très bien que Allah c'est Al-Ilah. Et que le musulman, ils unifient, ils adorent, il a akhiré. Donc on n'a pas besoin de traduire certains mots. Certains des mots qui ne se traduisent pas ou des noms. Et certains mots qui prêtent à confusion. Enfin, tu as un exemple, tayyib, en langue arabe. Certains mots, mitl al-jiha, mitl al-jism. Si tu ne fais pas attention, ahlul bid'a ou al-dhalal. Ils utilisent ces mots pour égarer le musulmane. Aïe, ce mot, il implique plusieurs sens. Enfin, qu'est-ce qu'on va dire de certains mots en français qui viennent de l'étymologie grecque et c'est fondé sur la philosophie et l'égarement et apprendre notre aqida avec ce genre de mots? C'est très très compliqué. Khassatan, encore plus si al-mudarris, si l'enseignant, il a mal compris. Et il n'est pas qawi bab. Et il n'est pas capable de distinguer certaines choses et il n'a pas étudié l'ilm inda ça peut être la cause d'une musiba de l'égarement. Qala hafidhahullah. Thaniyan. Donc on répète leur première shubha. Anna ar-ru'ya, ça implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans une direction et s'il est dans une direction, c'est que c'est un jism, c'est que c'est un corps. Donc eux, ils ont dit là, tu peux pas le voir. وهذا c'est باطل. قال ثانيا استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لموسى لن تراني. Quand Moussa عليه الصلاة والسلام il a demandé à Allah سبحانه وتعالى de le voir et tout ça c'est في الدنيا. Moussa il est encore vivant, c'était sur terre. قال عز وجل لن تراني. أي tu ne me verras pas. هم ils ont compris كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن ce verset c'est un دليل أي qu'on verra pas Allah. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لن تراني. Ils ont compris que لن c'était pour toujours. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. أولا on a une règle de base. Les versets ne peuvent pas se contredire. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قَالُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ أي أن هؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى. Dans ce verset, قال لموسى لن تراني. أولا الخطاب إلى لموسى. Pourquoi? Parce que موسى il a demandé. Donc la réponse elle est pour موسى. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, موسى il était vivant. Et c'était dans ce bas monde. Donc, si tu as compris, tu comprends que dans ce bas monde, Moussa, il n'a pas pu voir Allah Azza wa Jal, et personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Donc, c'est valable pour tous les êtres humains. Et tu comprends que les versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera la capacité aux êtres humains, aux croyants, de le voir, yawm al-qiyamah, c'est réservé à l'au-delà. Et il n'y a aucune contradiction. Donc les versets التي فيها إثبات الرؤيا c'est في الآخرة, c'est dans l'au-delà. Les versets dans lesquels, مثلاً ce verset لن تراني فيها نفي الرؤيا أن on peut pas voir Allah سبحانه وتعالى, هذا c'est في الدنيا. Et c'est dans ce bas monde. Limadha, il y en a dans ce bas monde, l'insan, il n'a pas la capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à l'au-delà. L'au-delà, c'est une autre demeure. La preuve, c'est que maintenant, les croyants, ils tomberont plus malades. Ils dormiront plus, ils n'auront plus besoin de dormir. Ils n'auront plus faire leurs besoins. Il a akhiré. Kadalik, ils mourront plus. Donc, il n'y a aucun doute. Les capacités de l'être humain dans l'au-delà, ce n'est pas les mêmes capacités que fait Dunia. Donc, dans l'au-delà, les croyants pourront voir Allah Azzawajal. Et on rajoutera des ajouts, bitawfiq Allah Azzawajal, quand on aura fini hadha al-kalam, min sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. قال ثالثا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. Troisième دليل لا تدركه الأبصار. قال والجواب عن هذه عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية. Et ça, ça nous montre, comme on تقدم معنا, l'importance d'étudier هذا الباب, cette aqida, cette croyance en langue arabe. Tu as deux mots, tu as l'idrak et tu as l'ru'ya. Al-ru'ya est traduit par la vision, al-idrak, on peut traduire par cerner. Madri, est-ce que c'est clair, lakin, Allah, ils traduisent à hakada. Et ce qu'on a en langue arabe, idnillah, ça va nous suffire. Faqawluhu, la tudrikul afsar, qala shir al-fawzan, anna al-aya, innama viha nafyu al-idrak, wa laysa viha nafyu al-ru'ya. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ma qala, anna al-mu'minun, ils verront pas Allah. Là, قال لا تدركه فنفى الإدراك. Donc il y a une différence. Donc, avant de lire la suite, on accepte que personne ne pourra cerner لا تدركه الأبصار. Lakin, on accepte que les croyants ils verront Allah. لماذا لأن il y a une différence entre voir et cerner. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il a cité un exemple avec le soleil. Est-ce que tu vois le soleil? Tu le vois. Est-ce que tu cernes le soleil de toutes parts? Là, tu le vois, tu n'as pas de loin. Ma cerner, c'est quelque chose de plus fort. Là, si tu regardes le soleil pendant longtemps ou si tu t'approches trop, ça te fera beaucoup de mal. Tu peux perdre la vue, etc. Donc, il y a une différence entre cerner une chose et la voir. Tu peux être en bas d'un immeuble, d'une immense tour et tu vois cette tour. Est-ce que tu cernes cette tour de toutes parts? Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois tout là? J'aurais une vision, tu vois cette tour en apparence. Donc il y a une différence entre voir et cerner. Fait le manfi c'est l'idrak. Fait هذا قال الشيخ الفوزان والإدراك معناها الإحاطة. فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنين ولا يحيطون به بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية. فالآية من أدلة إثبات الرؤية والله تعالى أعلم. Et هذا c'est quelque chose de طيب. أن الأدلة qu'ils ont cité pour montrer, ay ahlul bid'a wa dalal, qu'on ne peut pas voir Allah Azzawajal, si tu réfléchis bien, si tu médites sur ces versets, c'est des preuves. Al-haqiqa que les mu'minoun, ils verront Allah Azzawajal. Lianna al-naf al-idrak, ça montre qu'ils verront Allah Azzawajal. Lakin, ils le verront sans idrak, sans le cerner, subhanah. Qala, wa qawl al-mu'allif rahimahullah. Ou, hada. On finira, Inch'Allah, le cours avec هذا الكلام. Voilà, on revient à هذه الشبه. Et on fait des ajouts, min kalam, الشيخ ابن عثيمين, رحمة الله عليه. فقال في شرحه, après avoir cité les versets, قال فهذا قول أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى وأدلتهم وهي وأدلتهم وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. عقيدة أهل السنة لكلير. لماذا؟ لأن الفرسي et les أحاديث qu'ils ont pris pour argument c'est des versets et des أحاديث كلير. Pourquoi؟ لأن ça fait partie de la révélation d'Allah سبحانه وتعالى. Et notre دين il est simple. يسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا قال عز وجل. Allah il a يسر هذا القرآن. Pour celui qui veut méditer, celui qui veut le lire, celui qui veut comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a simplifié. Fais des efforts dans la langue arabe. Ça, c'est la première étape. Reviens au kalam des savants. Dans la langue arabe, ça ne suffit pas. Tu es obligé de revenir à la voix des salafs. Tout ça avec sincérité et sidq. Et bi idnillahi azza wa jal, tu comprendras. Qala, وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. Ils ont deux arguments. Des أدلة سمعية, des versets du Coran. Et on en a cité quelques-uns avec Cheikh Al-Fawzan, من كلام Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله. لن تراني. لا تدركه الأبصار. Et ils ont كذلك des أدلة عقلية, des arguments rationnels. La raison, elle n'accepte pas certaines choses pour eux. Enfin, Cheikh Al-Uthaymeen a répondu à ces deux catégories. Leur premier argument, c'est « Qulullah Azza wa Jal, قال ربي أرني أنظر إليك. » أي, ça c'est « قول موسى. » « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, قال ربي أرني أنظر إليك. » Donc موسى, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. « قال عز وجل, قال لن تراني. » ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا نعم وخر موسى صاعقا. Donc ce verset il est واضح أن موسى عليه الصلاة والسلام il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir. قال عز وجل لن تراني. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ووجه الدلالة أن لن للنفي المؤبد والنفي خبر وخبر الله تعالى صدق ولا يدخله النسخ. Ça c'est قول هؤلاء الضلال. Ils ont cité ce verset et ils ont dit لن c'est للتأبيد en langue arabe. لن c'est un حرف نفي et pour eux c'est للتأبيد. لن تراني. C'est pour toujours. Donc ça c'est la première chose. Et on répète l'importance de la langue arabe. Ils ont de la quwa fi hadha al-bab. Ils utilisent la langue arabe, donc ils se sont basés sur un verset. Thumma il l'explique avant que la langue arabe. Qawluhu lan tarani. Ils traduisent par tu ne me verras pas. Donc, il y a bien une négation. Nafi al-ru'ya. Eux, ils ont dit c'est les ta'bid. Ta'bid, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça vient du mot abad. Khalidina fiha abada. L'éternité. Donc, ils ont compris que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité, que ce soit fi dunya ou dans l'au-delà. Et se sont basés sur cette lettre. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الرد عليهم من وجوه الأول منع كون لن للنفي المؤبد لأنه مجرد دعوة. Ça nous montre encore une fois et on répète l'importance d'étudier la langue arabe عند أهل السنة. أما celui qui étudie la langue arabe عند أهل البدع. Et c'est pour ça que d'aïman on met nos frères en garde. Faites attention. Il ne faut pas qu'on soit fait rafla, insouciant. Et on dit, comme certains ont dit, « Anna, mais j'apprends que la langue arabe. »« Ya fulan, ittaqillah, cette école, c'est des khawarij, ou c'est des asha'ira. »« Ou ils font partie de l'ikhwan al-muslimoun, que leur aqida en général, c'est aqidat al-asha'ira, ou al-mu'tazila. »« Mouhim, c'est des égarés. »« Ou ba'adhum, yaqul, c'est que la langue arabe. » Tu as un mythal, Huna, sous tes yeux. Anna, quand tu vas étudier هذه الحروف, مثلا, ce harf lan, tu vas l'étudier fil adroumiya. Eux, ils peuvent te citer هذا المثال. لماذا لأن les livres en langue arabe, c'est connu, que ce soit dans le nahou ou autre, al-mudarris, ou al-mu'allif, dans les livres où ça soit l'enseignant, ils se basent sur le Qur'an. لماذا لأن le Qur'an, c'est kalamullah, et Allah, il l'a révélé en langue arabe. Donc, beaucoup d'exemples, ils sont tirés du Coran. Enfin, ils pourront te citer cet exemple. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي. Enfin, il pourra t'expliquer que l'an, c'est un harf nafi. يُفِدَ التَّأْبِيدِ. Et cet exemple, il va te dire, Huna, tu as un exemple. Vu que c'est pour l'éternité, cette négation, et quand on dit l'an, c'est pour toujours, et il peut te dire, فَمِنْ بَابَ الْفَائِدَةِ. Tu peux tirer une leçon de ce verset. Anna, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça rentre dans ton cœur, il va commencer à attaquer Ahl al-Sunnah. Il va te dire, wa'alam, anna yan qawm al-mujassima. Et ceux qui font ressembler Allah à la créature. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un être, c'est un corps, tu peux le voir, il est dans une direction. Et ça peut rentrer dans ton cœur. L'imam ali anna al-Sunni, si tu étudies chez un Sunni, kadalik, il va prendre comme argument les versets du Coran. Et kadalik, il va te citer des fawa'id. Mathalan al-Sunni, il va te dire, qala lan tarani, il va te dire, ça montre que lan, c'est pas l'ittabid, c'est pas pour toujours. C'est une négation, mais pas pour toujours. Et il va te dire, la preuve, c'est que le Sunna, ils ont compris ce verset, c'est que dans ce bas monde. L'haine, c'est que pour ce bas monde. Donc, al-Sunni, il appelle à Aqidatu Salaf, et al-Munharif, al-Mubtadi, il appelle à sa Aqida. C'est pour ça que les savants de la Sunna, ils mettent en garde. Fais attention de ne pas dire je vais apprendre que Tajwid, je vais apprendre que l'arabe. Si tu veux apprendre, tu vas apprendre vers un enseignant, et l'enseignant, il a plus de connaissances que toi. C'est tout à fait normal, tu vas apprendre chez lui. Et si tu t'assois auprès de lui, c'est pour écouter ce qu'il te dit. Et Anta, tu n'as pas la capacité, surtout au départ, de savoir trier ce qui me dit de vrai, je vais l'accepter, ce qui me dit de faux, je vais le rejeter. Qu'est-ce qui t'a dit que tu pourras faire cette différence? Mais pourquoi Salaf, alayhim ridwanullah, ils bouchaient leurs oreilles, le Coran, ils ne l'écoutaient pas de Haoula. L'imadan est là pour préserver leur cœur. Obama, il te cite un verset, tu l'écoutes et. Il te cite une choubra ou il déforme un moment, Tadri, tu ne peux pas le faire, tu peux pas faire confiance à Haoula al-Qawm, alladhina khanu al-Rasul alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas voulu suivre le Nabi alayhi salatu wassalam. Imma volontairement, imma iyadan billah, ils ont des choubra. Et le résultat, c'est qu'ils n'ont pas suivi, qu'ils ont voulu ou non. Fallait, on fait attention, préserve ton dîn, préserve hadhihi al-aqida. C'est une ni'ma de pouvoir l'étudier. Fa étudie-la inda ahli sunnah. Si tu peux pas, tu n'as pas les capacités, tu comprends pas, il n'y a pas de doros, on qadr, il y en a à notre époque, wallahi alhamd, on drôle un. Il est dans un pays, il est dans une ville, certains de nous ils sont au Maroc, d'autres en France, d'autres Madrid, alhamdulillah, on écoute, on s'écoute en direct. C'est une ni'ma min Allah, donc à notre époque, si tu réfléchis, on n'a pas d'excuses. Tu peux t'asseoir et t'écouter un savant qui est dans un autre pays. Wallahi, si tu comprends pas, Allah yassara des frères qui font des efforts dans toutes les langues, en français, en anglais, et là, on qadr que wahed, il peut pas. Il n'a pas trouvé de doros. Enfin, tu es excusé. Tu n'es pas obligé d'apprendre l'arabe si tu n'as pas les capacités. Non, tu peux, t'es pas obligé d'apprendre vers un innovateur. Men, qui c'est qui t'a rendu obligatoire d'apprendre la langue arabe vers un innovateur? Enfin, on fait attention. On apprend la langue arabe, c'est pas une passion. Je dois absolument l'apprendre par tous les moyens. Là, nous, on apprend la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est une clé importante pour notre dîn. Si les portes, elles sont fermées et on ne peut pas, ou il n'y a pas des personnes compétentes, ou c'est des égarés, ça préserve ta aqida, préserve ton dîn. Walillahilhamd, on répète al-khayr mawjoud, là qu'il faut se déplacer. Nous, on a un autre problème, c'est que Wadanas, ils sont dans leur ville ou dans leur pays, ils disent il n'y a pas. Ça, c'est tout à fait normal que tu ne trouveras pas dans ton pays ou dans ta ville. Sauf certains, walillahilhamd. Dans leur pays, dans leur ville, il y a des savants ou il y a des étudiants. Alhamdulillah, il y a beaucoup de frères, il n'y a pas. C'est à toi de te déplacer. Al-ilm, il faut se déplacer pour l'apprendre. Ce n'est pas l'ilm qui va venir à toi en général. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadad. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله اون ريبيت منع الاول منع كون لن للنفي المؤبد لانه مجرد دعوه pourquoi on a fait cette nasiha dans la langue arabe لان le fait de dire que لن c'est للتأبيد et c'est pour toujours c'est faux ils ont prétendu هذا لكن شيخ ابن عثيمين il est pas d'accord قال c'est مجرد دعوه ça c'est une simple prétention ثم il a cité un argument قال ابن مالك في الكافيه الامام ابن مالك من ائمه النحو dans sa célèbre poésie Al-Alviya, قال من رأى النفي بلا المؤبد فقوله اردد وسواه فاعبد. لماذا؟ لأن certains imams de la langue arabe, ils étaient à la qidat al-salaf. C'est pour ça qu'ils connaissaient les choubahs de Haoula et ils les ont rejetés. L'imam Ibn Malik, rahmatullah alayhi, c'est une référence dans la langue arabe. Hatta Ahlul Bida'a, ils le prennent comme référence. Donc, walillahi alhamd, il a montré que l'un, c'était pas l'innafi al-mu'abbad. C'est pas toujours comme ça. Fallait mal à prétendre que ce verset, on doit le comprendre ainsi. Deuxièmement, et ça nous montre une autre chose qu'on a citée ou qu'on répète. Si tu entends un qawl, fais attention de ne pas le croire directement. Ils vont te prétendre à telle chose, c'est telle chose, vérifie. Ahyanan, ils te citent des choses. C'est clair et c'est un mensonge. Fais attention. Et on se répète, on se préserve en ne les écoutant pas. Aslan, apprends ta aqida. Dès que tu, walillahilhamd, tu as appris ta aqida, inshallah, même si un jour tu tombes sur un de leurs kalam ou tu les réfutes et tu lis leurs paroles, tu auras la capacité de comprendre. Thaniyan, anna Musa alayhi salatu salam lam yatlub min Allah ar-ru'ya fil akhirah, wa innama talaba ar-ru'ya إنما طلب رؤية حاضرة. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام قال، ونغبت، قال ربي أرني أنظر إليك، أي الآن tout de suite. موسى voulait voir الله سبحانه وتعالى، il était في الدنيا. Et on est tous d'accord que cette histoire, c'était fait dunya. Donc, la réponse, c'était par rapport à dunya, pas à l'au-delà. قال الشيخ ابن عثيمين لقوله أرني أنظر إليك أي الآن. فقال الله تعالى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل حيث تجلى تعالى له فجعله دكا، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل، أي الله سبحانه وتعالى، إلى جاء موسى regarde en direction de la montagne. Si la montagne elle reste à sa place, tu me verras. ثم la montagne elle a été réduite en poussière. قال شيخ ابن عثيمين فلما رأى موسى ما حصل للجبل. Quand موسى il a vu هذا. Que la montagne elle a été réduite en poussière. علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله. Il a compris que si cette montagne, مع ضخامتها وصلابتها وشدتها وقسوتها, cette montagne immense, et les montagnes, t'as le monde, c'est très très dur, c'est de la pierre, c'est de la roche, elle a été réduite en poussière. Enfin, comment un être humain, il pourra يتحمل avoir la capacité de voir Allah Azza wa Jal. قال علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر صعقا لهول ما رأى. الهول الفزع الخوف الشديد، أي خر صعقا tellement qu'il a eu peur عليه الصلاة والسلام. قال شيخ ابن عثيمين ونحن نقول إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة. Ce verset donc il est في الدنيا. C'est pour ça que le sunnah dit que personne ne peut voir Allah عز وجل في الدنيا. قال لأن الحال لأن الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، si Allah سبحانه وتعالى découvrirait le voile qui est fait de lumière, personne ne pourrait avoir la capacité de voir. أبداً. La harqat subuhat wajhi, tout serait brûlé. Ça nous montre que fi dunya la ahad yatahammal. Troisième point, an yuqal istihalatu ru'yati Allah fi al-akhirah 'inda al-munkirin laha mabniya 'ala an ithbataha yatadamman naqsan fi haqqi Allah kama yu'allilun nafyahum bidhalik wa hina idhin yakun su'al Musa li rabbih ar-ru'ya da'iran bayna al-jahl bima yajib lillah wa yastahil fi haqqihi أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى. نعم، c'est comme si Moussa il avait demandé une chose impossible et هؤلاء ils connaissent mieux que Moussa. Et ça c'est grave. لا، موسى il a demandé الرؤية لكن الرؤية elle est possible في الآخرة، أما في الدنيا c'est pas possible. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il lui a montré. قال et il lui a montré que c'était pas possible. قال وحينئذ يكون هؤلاء الناف أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه وهذا غاية الضلال وبهذا الوجه تبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم. كما on a vu من كلام شيخ الفوزان حفظه الله أن dans ce verset الحقيقة il y a un دليل qu'on pourra voir الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال شيخ ابن عثيمين وهكذا كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده لا دليلا له. نعم، chaque دليل que هؤلاء ils utilisent en général c'est des preuves contre eux. Donc Allah سبحانه وتعالى on peut pas le voir لن تراني أي في الدنيا. Donc tu comprends que في الآخرة c'est possible et on a des preuves que المؤمنين والله الحمد ils verront Allah عز وجل في الآخرة. La troisième preuve قال قوله لا تدركه الأبصار والرد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا. C'est cet exemple qu'on avait cité. La différence entre الرؤية والإدراك. واحد il peut voir le soleil et on voit نحن le soleil لكن est-ce que tu le cernes? لا, tu peux pas. Tu peux pas. لا تتحمل. Si tu te rapproches un peu ربما تتبغل لا شك تتبغلغا. قال فإن فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. نعم الإدراك donc c'est plus précis. الإدراك c'est plus précis que الرؤية. La رؤية c'est plus général que la vision. فتو peux voir une chose sans la cerner. هذا والله أعلم. أما الأدلة العقلية فتقدمت معنا. أي ce qu'il y a la direction au jism. On l'a vu من كلام شيخ الفوزان حفظه الله. قال شيخ ابن عثيمين on lit الفائدة. Et هذا c'est très très important. لأن الإيمان بأن المؤمنين يذرون الله سبحانه وتعالى c'est très très important pour le مؤمن. فلهذا قال شيخ الفوزان أو شيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده. C'est ton objectif, c'est هذا. Tu sais que les mu'minoun y verront Allah yawm al-qiyamah. Et tu n'as aucun doute que les croyants y verront Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah au paradis. Ton objectif, ça sera هذا. Ton objectif, tant que tu es vivant, tu feras des efforts pour faire partie de ha'oula. Et ça va impliquer une chose de azim, c'est que tu ne donneras plus d'importance à cette dunya. C'est quoi leur objectif fit dunya? C'est de voyager, de voir tel paysage, c'est de d'avoir telle voiture, d'acquérir telle maison, etc. Des choses qui ne sont pas éternelles, qui ne resteront pas, et des choses qui peuvent faire du mal à l'être humain. Al-mu'min, si son objectif c'est hada, toutes ces choses pour lui, ça n'a plus de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on se prive de l'halal, lakin, c'est plus notre objectif. On fait des efforts, walillah alhamd, dans notre din, on se prive pas de tenir tant que c'est le halal, et c'est pas un objectif. Si ça vient, alhamdulillah, on profite de ce qu'Allah nous a donné. Si ça vient pas, on espère quelque chose de avant. C'est pour ça que nos efforts, normalement, ils doivent se concentrer à la hada. Et on utilise cette dunya pour hada, pour avoir cet objectif. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pauvre. Il n'a pas fait d'effort pour Dunya alayhi salatu salam. Ce n'était pas son objectif, Aqsud. Sans délaisser Dunya. Le sunnah, il ne délaisse pas Dunya. Ça, c'est Sha'an As-Sufi Abdullah. Lakin, on parle d'objectif et de priorité. Qala Sheikh Nazimin, rahimahullah, wa kullu shay yarkhas 'indahu bi janib al-wusul ila ru'yatillah 'azza wa jalla, li'annaha ghayat kulli talib wa muntaha al-matalib. Ay man waffaqahu Allah 'azza wa jalla. Celui qu'Allah a guidé, son objectif, ça sera là, de faire des efforts pour faire partie de ha'oula. Et si on rajoute avec le Jannah, et tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, que ce soit voiture, maison ou autre, al-mu'min, il aura tout cela fil Jannah. وَلَدَيْنَ مَزِيدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَ. Et quelque chose d'encore أعظم, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ سَوْفَ تَرَى رَبَّكَ عَيَانًا بِالْبَصَرِ. C'est ça عقيدة أهل السنة, on répète. Avec les yeux. Contrairement à ce que بَعْضُ الْمُنْحَرِفِينَ ils ont dit, Inch'Allah, on détaillera dans d'autres cours. فَوَاللَّهِ لَا تُسَاوِي الدُّنْيَا عِنْدَكْ شَيْئًا. Et c'est ça la différence entre الصالحون من السلف وغيرهم et ceux qui ont un iman faible. Pourquoi les salaf ils ont fait beaucoup d'efforts et ils n'étaient pas attirés par dunya? Leur objectif principal c'était hada, rida Allah, la récompense, al janna, voir Allah subhanahu wa ta'ala, être en compagnie du prophète alayhi salatu salam fil janna. C'était ça leur objectif. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tellement qu'il aimait le nabi alayhi salatu salam, Marra, il lui a demandé, Ya Rasulullah, je veux être avec toi fil Jannah. Je veux être avec toi fil Jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, A'inni bi katrati sujoud. Aide-moi en faisant beaucoup de sujoud. Ça nous montre quoi? Que cette récompense, elle est liée à un effort. C'est pas une simple prétention. J'aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. J'espère faire partie de Haoula et je fais aucun effort. Là, ça se contredit là. Ces choses, il faut faire des sacrifices. قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره. أي هذه الجنة. Et c'est dans ce paradis que les mu'minoun y verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il est au-dessus. عز وجل. لكن المؤمنون يسيرون في الجنة سي ا سو مومون بلوتو كي فيرون الله سبحانه وتعالى. هذه الجنة بوغ رونتخي يا دي زوبستاكل، حفت بالمكاره. نعم حفت الجنة بالمكاره بالشهوات، نعم أو بلوتو نعم أن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المهم أن بوغ سيكارتي دو النار يفو سيكارتي دو الشهوات، وكذلك بوغ رونتخي في الجنة يا دي مكاره يا دي زوبستاكل. Tu dois jeûner, tu dois faire salat, tu dois te lever tôt pour faire le fajr, tu dois t'écarter du haram, tu dois faire attention à tes passions, etc. Beaucoup de choses. Lakin, la récompense, elle est énorme. Celui qui a tout cela dans son cœur, on ne pense pas qu'à dunya. Et kadalik, on fait souvent ce conseil, on le refait, on éduque nos enfants à la hada. Vous avez remarqué que ba'd an-nas, ils éduquent leurs enfants et ils leur promettent, si tu fais telle chose, je t'emmènerai voir telle chose. Si tu travailles bien à l'école, il arrive, tu auras telle chose, tu pourras travailler, tu pourras t'acheter la voiture que tu veux, la maison. Ça motive l'enfant. C'est une très très mauvaise éducation. Ses parents, yu'alliquna ad-dunya fi qalb hadhi al-walad, fi qalb hadhi al-walad min sigharih, depuis qu'il est petit. Il faut entrer dunya dans son cœur. L'objectif de cet enfant, ça devient que dunya. Et vu que beaucoup de parents sont à la hada al-hal, on a une génération qui pense qu'à dunya. Tu as déjà entendu wahed, et là bien sûr walhamd walillah alhamd ahl alhaq wa talabat alilm, qui te parle de ce sujet. C'est nadir. Dès que tu parles avec quelqu'un, dès qu'il te parle de l'avenir, la motivation, directement le travail. Le travail, comme ça tu as un emploi, comme ça tu t'en parles la main vers les autres, comme ça tu achètes ce que tu veux. Lakin ils ont oublié que la mort elle peut venir avant. Avant ce travail, la mort, elle peut venir à cet enfant. Quand il grandit, il est encore dans ses études, la mort, elle lui vient. Est-ce qu'il a préparé le véritable avenir? Ah, mais si on éduque nos enfants, quand il est petit, dès qu'il commence à comprendre, bien sûr, fais des efforts. Si tu fais des efforts dans ton dîn, dans kada, tu verras Allah, Azza wa Jal. Et tu lui expliques, annahu, il a été créé par Allah, annahu, il doit l'adorer, et un jour, il le verra. Tu verras l'enfant. Kayf yafrah. Et tu lui montres que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas le voir fi dunya. Il nous a cité certains de ses noms, certains de ses attributs, lakin on sait pas comment. Il ressemble pas à la créature. Donc moi, tu lui montres que tu le verras fi dunya, lakin une condition. C'est pas tout le monde qui le verra. Thumma tukhawwifuhu billah. Anna, certains, ils le verront pas. Alors certains, ils le verront. Thumma, il y aura un voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils finiront en enfer. Et ils auront un énorme châtiment. C'est qui, haoula? Tu lui montres ceux qui font du shirk. Ceux qui font kada. Kada, avec les péchés, ça peut être une cause. Anna, l'insan, il se fait châtier. Thumma, tu lui montres, anna, al-muhid, c'est un muhid, s'il meurt, ala l'iman, il fera forcément partie de ceux qui verront Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Ça fera beaucoup de bien à cet enfant. Et c'est ça, le but de hadhi l'aqidah. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé ces versets? Une des sagesses, c'est pour bien sûr qu'on médite et que ça nous touche et qu'on fasse des efforts. Il a accroché ce genre de verset, on ne sait même pas ça veut dire quoi. Hadhihi, c'est une musiba. Naam, et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité un kalam jamil, fi hadha, celui qui veut le compléter, le terminer, enfin, il revient au sharh. Qala, hafidahullahu ta'ala, wa qawlu al-mu'allif rahimahullah. On est revenu à l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Wa hadha al-bab fi kitabillahi kathir. أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير. On a fini, ولله الحمد, l'explication des versets que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité au début de l'Wasitiyya. Il a cité l'un des versets concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Thumma, des ahadith. Et ça sera notre prochain dars, incha'Allah ta'ala. Ou on lira awalan kalam Cheikh Sa'di, on reviendra au sharh de Cheikh Sa'di. Thumma, on commencera l'étude de ces ahadith. فقال وإنما ذكر المؤلف بعضه فقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به. نعم الإمام ابن تيمية رحمه الله لا سيتي que quelques versets. لماذا؟ لأن الواسطية كما تقدم معنا c'est une risala pour les débutants. C'est un livre de base dans l'aqida très simplifié. Mais celui qui veut les détails et d'autres versets, il les trouvera dans d'autres livres qui sont plus vastes. قال ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدى تبين له الطريق طريق الحق تبين له طريق الحق. Si on revient au matn, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il n'a pas cité la parole de l'imam Nutaymiyyah complètement. Si on revient au matn, قال Cheikh Al-Islam, وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير, من تدبر القرآن طالبا للهدى, تبين له طريق الحق. هذا القيد il est مهم, cet ajout. Ou plutôt, ça fait partie de Kalam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lakin Cheikh Al-Fawzan, il ne l'a pas cité. Donc, il n'a pas cité dans le charh à la fin. من تدبر القرآن, et celui qui médite en lisant le Coran et qui réfléchit et il prend son temps et il fait des efforts pour comprendre, bien sûr avec هذا القيد طالبًا للهدى, son but c'est de vouloir le haq, son but c'est la vérité, son but c'est pas de satisfaire un tel ou de étudier le Coran, apprendre les sens pour avoir une place, pour être un imam, pour faire le khutbah, pour se montrer, عياذا بالله. Celui qui étudie هذا القرآن et son qasd al-huda, il veut être guidé, qala Cheikh al-Islam tabayyana lahu tariq al-haq, hada bi idnillah azza wa jalla, il connaîtra la vérité. Ça nous montre madha hada, anna celui qui n'arrive pas à comprendre al-haq, la vérité, surtout dans ce chapitre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs, plus globalement la croyance, c'est qu'il a un problème d'intention. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, celui qui veut la guider, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. قال أي اتضح له سبيل الصواب وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته. C'est ça le but de la lecture du Coran. خاصة on est au mois de Sha'ban الآن, إن شاء الله c'est bientôt Ramadan. Et les mu'minoun, ils font des efforts pour lire هذا القرآن. Et notre objectif à tous, ça doit être de comprendre. Pas مجرد قراءة. J'ai lu une fois le Mus'haf, ou deux fois, ou trois fois le Coran complètement dans le mois. هذا سيطيب يا أجر عظيم لكن أنفع من ذلك c'est avec la lecture tu fais des efforts pour comprendre même si tu lis moins. Ne pense pas que si tu lis moins tu as perdu ton temps. Ben c'est ça المطلوب, c'est ça qui est demandé à chaque مؤمن. قال الشيخ الفوزان قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أي الله سبحانه وتعالى il a fait descendre هذا القرآن كما تقدم معنا, أنزله مبارك فيه بركة كما نعرف فيه خير كثير. Pourquoi? قال ليدبروا آياته, pour qu'il médite, pour qu'il y ait une réflexion de la part de cet être humain. وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يدبروا القول إلى آخره. بهذا انتهينا de cette première partie de l'explication des versets. Et à partir du prochain cours, Emma, la prochaine fois, on ajoutera certaines choses, certains points par rapport à هذه المسألة, مسألة الرؤية. Emma, on laisse pour plus tard dans le livre, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité cette masala une deuxième fois en citant le hadith. Et inshallah on fera les ajouts هناك أحسن. Enfin demain, à partir de demain, inshallah ta'ala, on revient au sharh de Cheikh Sa'di. لأن الشيخ سعدي كما تقدم معنا il a pas expliqué tous les versets un par un. Là, c'est pour ça qu'on est revenu au sharh de Cheikh Al-Fawzan et كذلك on s'est appuyé sur l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen alayhim rahmatullah. À partir de demain, on revient au sharh de Al-Allama Cheikh Sa'di rahimahullah. C'est notre sharh de base, donc on continuera la lecture dans ce sharh. Et après avoir cité tous les versets, il a fait une explication tayyiba wa mujmala. Il n'a pas détaillé tous les versets, tous les sifat, comme on vient de faire ensemble, wallillahi alhamd, en s'appuyant sur le sharh de Cheikh Al-Fawzan. Lakin, il a cité des règles bénéfiques et un kalam mufid. Enfin, le prochain cours, on le lira, inshallah ta'ala. Et on continuera donc l'étude du sharh de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Donc, demain, bi'idnillah, même heure, à partir de 17h30. Et on commence, inshallah ta'ala, notre deuxième cours.